À l'occasion du 56e anniversaire du commencement de la direction de la révolution fondée sur l'idée de Sun Gun par le général Kim Jong-il, la délégation de l'Institut d'homothérapie de Myanmar, conduite par son directeur Tin Tun, a visité l'ambassade coréenne dans son pays. Les membres de la délégation ont déposé une corbeille de fleurs au nom de l'Institut devant les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il avant de rendre hommage.